QSMR dans la véranda. Y'a comme un goût de cafard, comme un goût de je sais pas ce qu'il y a. Ce soir QSM a le spin. C'est assez rare pour le signaler. Même dans sa pauvre vieille cuisine, QSM n'a pas pu manger. Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Mais qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Ce soir, QSM est rentré. Désenchanté, toucher le banquier. Sombre histoire de taux d'intérêt qui mérite à peine d'être mentionné. Ce soir QSM est amputé. Ce soir QSM est blessé. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Pourquoi QSM ne fait-il pas de mieux? Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? T'inquiète pas, on va pas te faire pleurer. QSM est touché, mais il va se relever. À vrai dire, ce n'est qu'une histoire de QSM reprendra son labeur. Qu'est-ce qui arrive à mon colocataire? Mon colocataire.